Il y a un paradoxe aussi du fait que l'individualisme ou l'individuation des usages est beaucoup plus grande en histoire contemporaine, même s'il y a de grands entrepôts, documentaires, bibliothèques, archives, qui gèrent des quantités beaucoup plus importantes de données. Et enfin, il y a à l'intérieur de l'histoire contemporaine le problème des objets d'histoire contemporaine, les sous-ensembles. Qui font que on fait de l'histoire culturelle et de l'histoire sociale et de l'histoire politique et de l'histoire du 19e et de l'histoire du 20e et du 21e et de l'histoire économique et de l'histoire des finances. On a donc des fractionnements qui ont des effets aussi sur la conception des bases et des systèmes documentaires. Donc c'est sur la base de ce constat, il y a quelques années, on a postulé les uns et les autres auprès de la TGR, enfin des grandes infrastructures, je ne rentre pas dans le détail, qui traitent du numérique. Il y a toute une histoire qui mériterait d'être, comment dire, non pas divulguée, mais comprise, parce que c'est un tout petit peu opaque pour le chercheur, et en principe, c'est au service du chercheur. Hein. Et on est bien placé pour savoir que nous-mêmes, on a parfois de la peine à s'y retrouver. Toujours est-il que depuis 2012, on a travaillé autour d'un projet qui était un projet d'archives numériques des mondes contemporains, c'est-à-dire d'essayer de construire et de traiter des corpus, et on a proposé de travailler sur des corpus liés à des sous-ensembles de l'histoire contemporaine qui étaient confrontés à ces problèmes de documentation, de traitement des données, mais aussi de partage des données dans des domaines où ni la BNF, ni Google, ni parfois même les archives publiques, n'avaient traité en instruments de recherche ou en documentation tout cela. Je prends des exemples que vous allez développer. On a trois exemples qu'on va vous montrer. Des archives françaises et internationales, cachées, secrètes, les archives du communisme, à Moscou, à Berlin, un peu partout, dans la police, dans les organisations. Bon. Aucun stock cohérent, aucun corpus constitué, et donc le numérique permettant d'imaginer la constitution d'un corpus. De même, les brochures, tout ce qui est la littérature d'action, la littérature au sens large d'action depuis la fin du 19e siècle, de propagande, d'éducation, du mouvement ouvrier, notamment les brochures du socialisme, de l'anarchisme, du communisme. Deuxième exemple. Plus d'autres choses que dont j'en ai marre à vous parler, et un phénomène historique majeur, contemporain, qui est repéré par la police, par la surveillance en général, par les affaires étrangères, par les archives de la guerre, mais qui n'est pas du tout traité comme un objet cohérent en termes de corpus, les phénomènes migratoires, les migrations politiques, économiques, Est-Ouest, Nord-Sud, dans le monde contemporain, et notamment en France, au XXe siècle. Alors, si on part de ces trois exemples, on peut voir comment on était en quelque sorte interpellé en tant qu'historien pour voir comment on pouvait travailler avec des archivistes, avec des documentalistes, pour essayer de construire des outils, des instruments communs. Communs, pas pour chaque recherche individuelle, mais pour des recherches collectives. Problème dans le milieu, problème multiple. Problème de la reconnaissance académique, le problème de la validation de ces manières de travailler dans l'évaluation des carrières. Vous voyez, tout ceci fait partie aussi du sujet, qui n'est pas que un problème d'usage, d'habitude ou de réticence, mais aussi d'adaptabilité des personnels qui ont enfin, je ne parle pas des jeunes chercheurs, des jeunes docteurs qui n'ont pas encore de poste et qui construisent leur dossier, mais même ceux qui sont en poste, comment leur carrière évolue hein, aussi. Voilà, très vite présenté, et on a des sites qui sont en ligne, que vous pourrez voir après, parce qu'on n'aura pas le temps, et moi j'aimerais qu'on parte des exemples concrets pour laisser après la parole à notre collègue qui présentera une situation d'un docteur qui est en train de finir sa thèse, mais avec tout le travail sur le numérique qu'il est obligé de se coltiner, en fait. Françoise, Jean-Marc, comme vous voulez, puis moi je... On se prend, si vous êtes d'accord, on fait quelques petits focus comme ça sur des exemples pour parler de manière un peu plus concrète, mais des problèmes théoriques en fait qui sont épistémologiques qui sont derrière. Bonjour à toutes et à tous, je me présente très brièvement pour que vous compreniez comment je me suis retrouvé dans cette histoire de numérique. Donc Jean-Emmanuel Ducamp, je suis maître de conférence. licence en histoire contemporaine à l'université de Rouen-Normandie, petit à maintenant, rattachée au laboratoire groupe de recherche d'histoire et par ailleurs à une structure fédérative de sciences humaines qui s'appelle l'IRIS. Ça a son importance car c'est cette structure qui porte notamment des projets de numérisation documentaire. Alors il se trouve que moi, quand je terminais mon doctorat, j'ai un plan géographique, je travaille sur l'histoire des socialismes croisés français et germanophones, allemands et autrichiens. Et donc cela nécessitait beaucoup de voyages, notamment, alors, pas évident pour ceux qui ne connaissent pas, mais à Amsterdam, puisque là-bas il y a un grand centre d'histoire sociale, d'archives contemporaines, notamment pour l'histoire des partis sociaux-démocrates allemands et autrichiens en 1933. Les archives se sont retrouvées là, je ne cite pas là-dessus, vous connaissez pour un certain nombre cette histoire. Et donc cet institut a été très en avance sur la question de la numérisation des archives et ça m'a permis de travailler à distance. Pour vous donner un exemple, il y a aussi des archives françaises dans cet institut, les archives par exemple de Jules Gued, auxquelles j'ai beaucoup travaillé récemment, et elles sont désormais toutes numérisées. Donc j'ai un rapport à cela relativement ancien compte tenu de l'avancée du maître. Voilà. Cela étant dit, moi ensuite, effectivement, à la suite de la proposition de Serge Velikov, je travaille un peu sur, les à côté des mouvements socialistes, pas les grands textes théoriques, mais toute cette petite brochure, cette littérature grise. On n'avait pas trop lu à une époque parce qu'on s'intéressait, si je puis dire, au grand débat. Alors, des guillemets, qu'est-ce qu'un grand débat, qu'est-ce qu'un petit débat. Mais en tout cas, il y avait des sources qui, effectivement, étaient extrêmement dispersées dans toute une série de centres de recherche. Alors, par le Sudoc, vous en trouviez un ou deux dans tel BU, etc. Donc, c'était très compliqué. Et donc, dans le cadre du projet consortium relié à la TJR Manum, il y avait quelques corpus qui me paraissaient particulièrement importants à analyser. Donc, je veux vraiment être court, je vous prendrai un exemple puis un autre. Le premier exemple, ça a été l'édition de Marx et Engels en français au XIXe siècle. L'histoire des traductions est extrêmement complexe, je ne vais pas vous en parler en détail ici, mais il y a des traductions qui ont été publiées dans tel ou tel almanach ouvrier, par telle ou telle brochure, introuvables au bataillon, je vous assure, quand vous essayez de reconstituer le corpus. De temps en temps dans une BU, de temps en temps dans un centre d'archives départemental. Donc un des premiers objectifs que nous avons eu, ça a été de réunir un corpus restreint, typiquement, de sources, d'environ 80 ouvrages ou formes brèves de l'imprimé, et de les mettre en ligne sur Pandore, donc, qui est hébergé par la NSH de Dijon. Et ensuite, nous avons eu un travail, je vais vite, d'élaboration des notices très avancées, en tout cas qu'on a essayé quelque chose d'un peu pointu, pour qu'il y ait un outil à disposition pour ceux qui travaillent sur le 19e siècle, sur ces traductions, qui étaient traducteurs, qui étaient préfaciers, avec des renvois des éditions à d'autres. Donc ça, c'est par exemple, je vous résume vraiment à grands traits. Voilà, moi je ne travaille pas sur l'idée de concurrencer les masses documentaires de Gallica Haute n'aurait aucun sens. C'est en rapport avec une spécialisation d'essayer de constituer des corpus qui sinon nécessitaient vraiment des recherches presque impossibles à faire compte tenu de leur dispersion géographique. Voilà. Le deuxième volet qui est en cours de réalisation, alors à mi-parcours du consortium, j'ai moi-même eu la démarche de déposer un projet auprès de la région ex-Haute-Normandie, désormais fusionnée, donc dans les Hautes-Normandies, sur la question du numérique et de l'histoire du socialisme à la charnière du 19e siècle, qui a été validé. Et ce projet comporte un important volet numérique, avec la même logique, non pas numériser des grosses masses documentaires, par exemple pour la presse socialiste régionale, les archives départementales le font avec d'autres financements, je suis bien clair, mais d'essayer de trouver des fonds spécifiques qui aient une cohérence par rapport à la démarche du consortium. J'en citerai deux. Et si vous avez des questions, ce sera plus simple plutôt que de rentrer dans les détails techniques et autres. En termes de sources, il se trouve qu'une structure avec laquelle je travaille par ailleurs, la Fondation Jean Jaurès, a hérité il y a peu de temps des archives de Pierre Renaudel, un dirigeant socialiste important au niveau national, international et local. Il se trouve qu'au niveau local, il était d'abord investi dans la création des SFIO en Normandie. Donc ça avait son intérêt de combiner les différentes échelles. Et dans ces sources-là, outre des sources classiques de correspondance et autres, vous avez aussi des formes brèves de l'imprimé qui sont extrêmement rares à différents niveaux. Et l'autre et dernier pôle que nous sommes en train de travailler dans le cadre de ce projet, ce sont des archives de la recherche, cette fois-ci des chercheurs, mais qui contiennent des archives de l'époque qui m'intéressent. Pour résumer très vite encore une fois, ce sont les archives de Georges Haupt, un historien roumain qui s'est exilé en France, qui a officié à l'HESS, mort prématurément en 1978. Et les archives sont à la FMSH, à la Science de l'Homme, donc actuellement venue de France, le Raspa et le Fonds d'Orsay, vous connaissez cette histoire. Et ce qui est intéressant dans ces archives de Haupt, c'est qu'il avait collecté lui-même des archives d'avant 1914, qu'il a gardées, bon, l'histoire est un peu compliquée, mais donc on a des entrées à plusieurs niveaux. Ça, typiquement, ce sont des sources qui peuvent être valorisées en rapport avec une spécialité. ce sont des masses documentaires assez raisonnables à traiter, et que nous, on traite... Là, c'est vraiment en cours de traitement. Je ne peux pas vous les montrer, je pourrais montrer ensuite 2-3 exemples sur Marx et Engels, si ça vous intéresse. Et là, donc, on est en train de passer les accords, je vous passe sur les financements autres, la chose est engagée. L'idée est déjà de numériser tout ce qui relève de l'avant 1914 que Haupt avait lui-même, dont il s'est servi pour ses travaux, et que l'on n'avait pas à disposition, par exemple. Vous voyez, donc, il y a aussi une articulation, puisque vous évoquiez en introduction les archives des chercheurs, comment ça s'articule, voilà. Voilà, je vous ai pris quelques exemples, encore une fois, c'était juste pour illustrer un peu la démarche collective que l'on a eue dans un cadre beaucoup plus large, hein, parce que dans le consortium, il y avait tout à fait d'autres thématiques. Je trouve que, étant assez investi, là, ça me paraissait intéressant, très brièvement, de vous en faire part. Voilà, merci de votre attention. François ? Alors, j'ouvre. Il est où ? Sur le bureau. À droite. Sur le bureau. Sur le bureau. Il faut faire. Je vais le faire. Non, j'arrive. Voilà. Parce que chaque coordinateur est différent. Non, voilà. Ingénieur de recherche, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon travail qui concerne la recherche, c'est pour ça dessus, et une partie qui est plus technique et qui est liée au numérique. Donc je peux dire que je suis un peu de chaise, mais je trouve que c'est aussi ces métiers du CNRS qui en fait actuellement ont à la fois été redéfinis et sont extrêmement pertinents justement en fonction de l'évolution du numérique. Par ailleurs, je trouve que j'ai ici, en tout cas, un triple positionnement, c'est-à-dire que j'appartenais au pôle migration du consortium dont a parlé Serge et Nima. Pôle migration, dont j'étais responsable. Je suis membre du Centre d'histoire sociale du XXe siècle et j'étais à un moment secrétaire générale, je ne le suis plus, mais j'appartiens toujours, à l'IALI, International Association of Labour History Institutions. Et je vais prendre un exemple de ce qu'a pu réaliser l'IALI dans le domaine du numérique. Si je suis trop longue, vous m'arrêtez, hein, parce que je n'avais pas très bien compris les conditions de parole en venant. Donc, c'est assez souple, en fait. Alors, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de croiser ces différentes appartenances, le but de l'opération était un peu là, le pôle migration et le consortium, avec les intérêts du CHS et ceux de l'IALI. Alors, au niveau du pôle migration du consortium, on avait pensé qu'il serait souhaitable de réunir plusieurs types de projets. Et donc, on a eu un certain nombre de centres avec lesquels on a travaillé. On a eu, par exemple, on a travaillé un moment avec le CERSEC sur le projet Goulag, que vous connaissez peut-être. Donc, Serge, si tu peux passer au... Au deux. C'est dans le diaporama. Je dois avoir aussi pour apprendre quelque part. Le projet du Goulag, c'était pour la mémoire européenne du Goulag, qui se trouve avoir été sous la co-responsabilité de mon frère, tout à fait par hasard. Et c'était un site muséal qui a été créé, mais dans le cadre du consortium, on a réussi à finaliser la base de données qui allait avec ce site et qui était constituée par des entretiens qui avaient été tenus avec des anciens du Goulag. Vous allez me dire pourquoi dans le pôle migration, c'est parce que ces anciens du Goulag, ces rescapés du Goulag, avaient parcouru à travers toute l'Europe des distances et que la carte de ces déplacements liés à l'emprisonnement du Goulag est tout à fait impressionnante en termes justement de trajectoire migratoire. Donc, il y a eu ce projet qui a été développé, ce projet de base de données. Et là, ce que je peux dire déjà, c'est que ce projet a un double versant. Le projet, la réalisation muséale sur le web, qui est destinée à un public assez large et qui est donc visible par toute une gamme de personnes, intéressés, curieux, public large, scolaire évidemment, mais aussi des gens qui ont partagé avec cette histoire-là. La base de données qui est, elle, beaucoup plus savante. Il ne s'agit vraiment pas d'archives numérisées, puisqu'il s'agissait de recueillir et de mettre en ligne et de conserver des entretiens menés avec d'anciens rescapés du Goulag. Il s'agissait d'archives nativement numériques, comme on dit, et je crois qu'il est très important de souligner le problème que posent les archives nativement numériques, peut-être pas tellement ces entretiens, vidéos, films, etc., qui sont compliqués à archiver, mais qu'il faut archiver dans de bonnes conditions. J'en profite pour dire, mais vous savez sans doute tous déjà, que le numérique n'est pas un standard de conservation facile, puisqu'en fait, le numérique pose beaucoup plus de problèmes à conserver que le papier. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble important de souligner. Donc là, il s'agit d'archives nativement numériques, mais il y a toute une autre série d'archives nativement numériques dont il faut se préoccuper, et là je trouve qu'on balbutie encore beaucoup, c'est tout ce qui est mailing list, boîte mail, etc. Et là on en est vraiment encore dans les limbes, alors que ça risque de provoquer, absence de correspondance, etc., conserver un énorme trou archivistique. Enfin, c'est déjà en place. Bon, j'en reviens à ce que nous avions comme projet dans le pôle migration du consortium, donc ce projet-là, un projet Zukunft autour de cet organe d'immigrés allemands, un projet sur la discographie des migrants en Lorraine, enfin, toute une série de choses. Je passe donc assez vite, faute de temps, pour vous parler de cette fois-ci la numérisation ou de notre planning de numérisation des archives au Centre d'histoire sociale du XXe siècle. Numérisation dont les premières ont justement été accomplies dans le cadre et grâce aux consortiums. Alors, là aussi, on se pose toujours toute une série de questions. Qu'est-ce qu'on va numériser? Comment on va numériser? Pour qui on va numériser? Le CHS possède une quarantaine de fonds d'archives qui sont essentiellement liés à l'histoire du mouvement ouvrier et social, archives de syndicalistes, archives, etc. La première démarche à avoir et que nous avons eue au centre, c'est réaliser des inventaires numériques qui ont été faits dans la base CALAM, que vous connaissez sûrement. C'est aussi une base de données, je suppose qu'elle est recensée par vos soins. C'est la base de données de l'ABES, l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur. Et donc là, vous y trouvez toute une série d'inventaires, la base CALAM étant bien entendu moissonnée par Isidore. Ensuite, il y a deux méthodes possibles en matière de numérisation d'archives. Soit numériser un fonds spécifique intégralement, de A jusqu'à Z. Soit procéder à des numérisations plus thématiques. Et nous avons fait le choix, pour des raisons à la fois de logique et de moyens, de faire des numérisations thématiques en fonction, d'une part, des impératifs du consortium, en fonction, d'autre part, de projets de recherche, et troisième terme, des décisions prises, en fonction des commémorations. C'est peut-être trop facile, entre guillemets, mais ça me semble quand même être productif dans la mesure où ça permet aussi de s'adresser à des publics larges, sensibilisés à une question historique par ce phénomène des commémorations. Donc la première opération menée en fonction de ces trois critères, ça a été de numériser une partie du fonds d'André Marty, le dirigeant communiste qui a été viré du PC, vous le savez, et une partie de ce fonds qui concernait, commémoration oblige, la guerre d'Espagne et en particulier les brigades internationales dont il avait été le responsable désigné par le communautaire. Donc là, je reviens sur ce que j'ai dit, on a informé un inventeur, côté pièce par pièce, puis numérisé, ce qui a correspondu à environ 2000 fichiers en format conservation et en format web. Ces fichiers, et là j'entre dans des détails un tout petit peu techniques, mais parce que ça peut intéresser tout le monde, ont été entreposés dans une sorte d'entrepôt numérique, qui est Natala, et qui est un service offert par le CNRS aux chercheurs, ingénieurs, techniciens, etc. Donc tout le monde peut, tout le monde appartenant à une institution universitaire, peut ouvrir un compte dans Natala et y entreposer les fichiers numériques. Ce qui est une mesure de conservation élémentaire. Vous savez sans doute, mais peut-être qu'il est bon de le répéter, que pour tout ce qui est numérique, il faut organiser des migrations de données environ tous les 5 ans. Donc ça a un coût, et un coût énorme de conserver le numérique. Et il ne suffit pas d'avoir tous ces fichiers numérisés sur un disque dur d'ordinateur qui peut cracher un moment ou un autre. Donc il faut faire appel pour des numérisations, pour des fichiers numériques, à des institutions qui seront capables d'assurer la pérennisation des fichiers en question. Et Nakala est une passerelle pour le CINES, qui est un des deux organismes qui est en France, organise la pérennisation du numérique. Le deuxième est un projet d'eau. Donc, de la CALA, peut-être Serge, tu peux je te suis. Bravo, merci. Ouvrir un compte Nakala, y entreposer les fichiers, ça veut dire leur attribuer des métadonnées. Et ensuite, nous avons fait un lien de ces fichiers entreposés dans Nakala vers l'inventaire Kala. Voilà pour cette expérience. Alors, ces numérisations, à quoi peuvent-elles servir? On a pensé qu'il serait bien d'en faire quelque chose de plus, entre guillemets, sexy que simplement des liens à partir d'un inventaire qui pouvait susciter évidemment une utilisation, disons, entre guillemets, savante de toute personne intéressée par les brigades internationales. Et on a pensé qu'il était bien aussi de construire un objet scientifique, une publication en ligne, tout simplement, à partir de cette numérisation. Donc, on a réalisé ce que j'appellerais soit publication en ligne, soit exposition virtuelle. Bon, publication en ligne ou exposition virtuelle, à partir d'un logiciel libre qui lui aussi est fourni en pack par le TGIR Humanum, sous le nom de Nakaloma. Le logiciel libre en question s'appelle Omeka, est en fait à la fois un logiciel qui permet de fabriquer des expositions virtuelles, mais qui permet aussi de fabriquer à relativement peu de frais, c'est-à-dire que l'utilisation en est facile, de fabriquer une base de données images que n'importe quelle personne qui sait à peu près se servir du web peut réaliser ou faire réaliser. Donc c'est ainsi que nous avons publié une exposition virtuelle sur les brigades internationales, dont vous voyez ici la première page, et qui est l'embryon de quelque chose, je veux dire, les projets viennent au fur et à mesure qu'on travaille sur le numérique, qui est l'embryon de ce qui pourrait être un futur portail en France sur les brigades internationales, parce que bien que la grande majorité des brigadistes soient venus de France en une deuxième étape, après leur exil d'Europe centrale ou ailleurs, la France reste très en retard pour ce qui est de mettre ensemble les contenus ou les données concernant les brigades internationales, très en retard par exemple par rapport aux États-Unis, où tout ce qui touche du coup de moi la brigade Lincoln est désormais accessible en ligne. Donc ce que je voulais dire comme ça, c'était une pure opération un peu technique, liée à une commémoration, et devenue en soi une espèce de projet scientifique avec ouverture sur le grand public et le secondaire exposition virtuelle. L'exposition virtuelle, la publication en ligne peut se lire à deux niveaux, à la fois par des spécialistes des brigades ou de la guerre d'Espagne et par un public beaucoup plus large de scolaires ou d'enseignants dans le secondaire. Donc, je vais aller très vite parce que sinon je passerai à mon... Encore une chose, je vous arrête. Encore une ou deux minutes, c'est bien. Ouais. Bon, alors, sur le portail. Sur le portail européen. Voilà. Ce que je voulais dire, là, il s'agissait, la première donnée de ce dont je vous ai parlé, retour d'expérience sur la construction d'objets numériques, de numérisation et la mise à disposition. Deuxième chose, je vous ai déjà ébauché l'idée qui est venue toujours dans le cadre du consortium et du CHS d'un portail sur les brigades internationales. Le consortium a développé des liens avec cette association internationale qui est l'IALI, International Association of Labor and Study Institutions. L'IALI avait été le responsable d'un projet européen, le projet HOPE, et qui avait participé à construire un portail d'histoire sociale, le Social History Portal, qui donne accès dorénavant à 1 million d'objets numérisés et 4 millions de références. Ça avait été le travail de 13 institutions européennes émanant de 9 pays. Et il me semble que ce portail n'est peut-être pas assez connu, mais qu'il donne accès à toute une série de ressources. Il faudrait autrement se déplacer pour aller voir. Une partie des ressources numériques en question, visibles via le Social History Portal, avait d'ailleurs été versée dans Europeana, dont je n'ai pas vu le nom quand on quand on a parlé de l'utilisation de l'État, etc. Il y a aussi Européana qui a évidemment l'avantage d'être beaucoup plus international. Ce que je voudrais cependant signaler, d'une part, il me semble que même si on dit que le web sémantique est l'avenir, ce que je crois aussi, le portail reste quelque chose d'assez important dans l'accès aux informations. Et ce type d'outils qui mettent ensemble, qui permettent d'interroger en une seule fois toute une série d'objets numériques émanant de, je vous dis là, c'était 13 institutions européennes, ne semble pas du tout caduque et destiné à avoir encore de nombreux et des usages qui vont perdurer. Je vous passe donc sur tous les détails techniques de construction d'un tel portail, mais ça me semble encore intéressant. Deuxième chose que je voulais dire, et je vais terminer là-dessus, beaucoup de ces objets numériques sont aussi accessibles via Europeana, mais Europeana, comme Gallica, est beaucoup plus tenue que certaines grandes institutions à statut privé ou associatif par la question des droits. Donc, Gallica, vous ne vous en servez pas pour l'après 45, pour une bonne et simple raison, c'est que Gallica n'a pas les droits de mise en ligne. Or, un portail comme Hope donne accès à des objets numériques qui ont été mis en ligne, l'institution qui les a mis en ligne, ayant fait des recherches bien sûr, mais ayant quelquefois pris beaucoup plus de risques que n'en peuvent prendre des institutions très officielles comme Gallica pour les communautés européennes. Donc là, j'ébauche une question tout à fait différente sur laquelle je m'arrêterai, qui est la question des droits et du numérique et des droits. Voilà, je vous remercie de votre attention et espère ne pas avoir été trop long. Merci. Moi, donc, je vais pas présenter ce que je voulais vous présenter parce qu'autrement, ça va en trop empiéter. Simplement, sur le site Archives des mondes contemporains et le consortium, vous verrez l'exemple que je voulais vous présenter, c'est le problème des archives russes, des archives du communisme. C'est un projet qui date de longues années et qui est passé par la question de l'international, surtout de la conversion des fonds d'archives et les normes des archivistes russes et des archivistes français, des archives nationales, tout ça était très différent. Il a fallu donc se poser des problèmes techniques, informatiques, d'unification d'instruments de recherche, et d'autre part, avec les archives de France et les archives nationales, entreprendre un programme de numérisation, non pas exhaustive, mais enfin quand même assez vaste, sur toute la période 1920-1945. On a mis en ligne au mois de juin, donc c'est tout à fait récent, on a mis en ligne à peu près 2,5 millions de vues, plusieurs centaines de milliers de documents qui couvrent toutes les archives du communisme français, de sa direction, mais aussi de ses activités régionales, locales, dans cette période, plus les archives russes de l'international communiste, proprement dit, de sa direction concernant la France. Donc là, on a un ensemble documentaire qui est structuré et commenté, qui est important, et sur lequel des développements du type de ceux de Françoise, que Françoise a en quelque sorte mis au point avec les collègues de la BDIC, justement, avec une série, et je voudrais insister moi pour terminer, parce que je veux passer la parole à notre collègue, sur les problèmes de coopération entre les types d'institutions qui sont concernées. Et à mon avis, les chercheurs doivent être au centre. Et ça, c'est un problème. C'est-à-dire les chercheurs, les universités, les archives, les musées. Puisque une grande partie des collections, une partie de ce qu'on pourrait appeler aussi la documentation biblio-archivistique, documentaire, et surtout le rapport au public des étudiants, mais au grand public, pour l'histoire contemporaine, pas seulement, mais aussi passe par ces institutions culturelles. Or, la question est sans doute de savoir si toutes les bases de données seront construites, développées, leur publication avec les chercheurs, au centre de leurs préoccupations, pas seuls, mais avec les chercheurs et les autres partenaires, ou si les chercheurs seront en quelque sorte amenés toujours à utiliser des outils produits par d'autres. Vous voyez bien que ce n'est pas exactement la même chose. La constitution, la conception d'une collection, quand elle est essentiellement centrée sur une exposition, virtuelle ou pas, n'est pas la même chose si elle est faite par des historiens avec des bibliothécaires, avec des muséographes, que si les chercheurs arrivent derrière ou seulement comme experts. Donc on est devant un problème qui est un problème assez important, de voir comment les recherches des uns et des autres peuvent à un moment donné coïncider autour de thèmes, de domaines, de grands objets. Et là, je fais l'impasse sur une question évidemment qui est importante, c'est la coopération interdisciplinaire. Comment un objet numérique, un portail, peut être utile aussi bien pour un historien que pour un anthropologue, que pour un civilisationniste hispanisant, etc. C'est-à-dire, quelles sont les conditions requises pour que les métadonnées, les commentaires, soient suffisamment évolutifs, riches, puissent être développés. Ça, cette question de ces outils partagés, vraiment une question qui nous semble intéressante. Elle nous semble intéressante. C'est pour ça que je termine sur le consortium. Le consortium, vous verrez, vous pourrez consulter sa production. On a, au fur et à mesure, tout divulgué. C'est-à-dire, c'était le prix, enfin, de la démarche des notices techniques, des résultats, et on souhaite continuer. Mais ces consortiums n'ont qu'un temps. Une fois qu'ils sont terminés, leur vie, 4 ans, parfois 8 ans, eh bien, à ce moment-là, ils doivent en quelque sorte être appropriés par des structures scientifiques, des collectifs de chercheurs, d'enseignants, qui travaillent sur des projets communs, en réseau. Les associations à l'étranger, parfois d'histoire, les associations disciplinaires, parfois jouent un très grand rôle. Dans d'autres pays, c'est des universités qui jouent un très grand rôle. Dans d'autres pays, on a les structures interuniversitaires, style MSH, gros laboratoires, etc. Mais il y a aussi les disciplines telles qu'elles sont historiquement constituées à travers aussi les associations comme la vôtre. Donc là, il y a, à mon avis, des liens sans doute à conserver ou à imaginer. En tout cas, nous, on était très heureux d'être invités, mais on est d'autant plus heureux d'être invités qu'on a vu l'évolution de l'association. Moi, vu mon grand âge, j'ai vu cette évolution de manière très positive, à tel point que je me disais, tiens, bien que je sois émérite et que je n'ai plus d'intérêt à voir évoluer mon statut, ceci, cela, etc. Même les cours d'agrég ne sont plus ceux qui m'obsèdent, etc. J'aurais envie d'adhérer à l'association. Excellent. Tu vois, c'est pas démagogue, je le pense vraiment. Comment on fait la discussion générale après l'intervention de notre collègue? Je pense que ça serait mieux. On peut aussi, si vous voulez, faire deux ou trois questions pendant que j'essaie de voir si une connexion se ranime. Voilà, au cas où ça puisse servir après, on peut faire deux ou trois questions sur ce qui a été dit spécialement avant de passer la parole à Christophe. Moi, dans le repérage que je fais pour l'association, je me pose la question, en fait, de où se trouvent les bases de données qui sont utiles. Et là, vous parliez des fonds de Moscou. Donc, vous êtes parti du consortium. Vous avez parlé des fonds de Moscou. Et moi, quand je clique fonds de Moscou sur l'ordinateur, ça me renvoie à la BDIC. Vous êtes d'accord? C'est la BDIC non. qui abrite. Non. Alors, c'est ça. Pourquoi pas. Je vous dis très, très précisément où ces fonds numérisés se trouvent. Ils se trouvent à plusieurs endroits, même s'ils sont unifiés sur un portail, justement, ils peuvent être entreposés dans plusieurs endroits. Quand on parle des fonds de Moscou, les fonds, par exemple, qui concernent les brigades internationales, il y a des microfilms dont les instruments numériques, ça, tout n'a pas été numérisé, mais sont à la BDIC. Les fonds qui sont les microfilms, qui étaient à l'origine, qui sont donc les doubles des fonds qui sont dans les archives russes actuellement au Ergaspi, à Moscou. Les doubles sous forme microfilms ont été numérisés conjointement avec les efforts d'une maison des sciences de l'homme, de fondation et des archives de France. C'est un processus qui a commencé il y a 20 ans. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ces fonds sont gérés sur une plateforme qui est une plateforme, un entrepôt numérique de l'université de Dijon, il se trouve que j'étais à Dijon, Pandore, de l'AMSH de Dijon, mais en même temps, une autre partie de ces fonds, des archives du communisme, sont les archives de la surveillance, et là, qui viennent d'être numérisées avec les archives nationales. Et là, une autre partie sont entreposées sur les serveurs des archives nationales, pour ce qui concerne les archives dites de la surveillance, c'est-à-dire la répression anticommuniste pendant la Seconde Guerre mondiale. Et vous avez vu sur l'inventaire virtuel des archives nationales, la salle des inventaires, il y a, dans la série F7 que tout le monde connaît, pour ce qui concerne les outils numériques inventaires concernant le communisme, il y a pour une période une partie qui a été numérisée, et ça c'est les inventaires, notamment de ce qui avait été saisi et constitué comme dossier à charge par les brigades spéciales dans tout ce qui était les enquêtes de police pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, cette numérisation-là, elle est partagée, elle est entreposée et donc conservée et sécurisée à la fois sur Pandore et sur les serveurs des archives nationales. Tout ça étant dans une situation encore d'archives intermédiaires du point de vue du traitement numérique, puisqu'on a les objectifs d'entreposer ça de façon pérenne sur des dispositifs. Alors ça évolue tout le temps un petit peu, mais quand même, il y a des discussions entre la BNF, le CNES, les archives nationales. Hein. Je ne vous cache pas que vous savez sans doute ça mieux que moi. Dans la salle, je sais, des spécialistes de ces relations historiquement parfois, on va dire, pas toujours d'émulation entre les archives nationales et la BNF. La question, c'est aussi, est-ce que de votre point de vue, les listes comme celle de Julie restent indispensables? Parce que ça demande beaucoup de travail, c'est toujours imparfait. Quelque part, on serait très content d'avoir un outil magique ou d'autres gens que nous qui y travaillent. Mais vous confirmez que pas tellement. Enfin, parce que là, on voit bien que c'est des projets qui sont super et dont on se dit, mais pourquoi j'en ai pas entendu parler avant? Et la réponse, c'est parce que j'utilise bêtement les mêmes outils que j'ai montré que tout le monde utilise, qui sont très généralistes et qui ne mettent pas en avant ce type de pépites-là. Donc, comment faire pour la signalisation aux collègues, en fait? Je voulais aussi vous comprendre les liens que je donnais. Par exemple, pour les archives de Georges Haupt à la FMSH, la FMSH a son propre portail, ce qui est légitime. Et donc, par ailleurs, c'est une aide du consortium et du projet Eurostock rouennais qui a permis d'aider l'annulation de ces archives. Mais les archives seront mises en ligne sur la FMSH. Donc, par exemple, ce dont je vous ai parlé en termes de référencement, bah, concrètement, c'est la FMSH, l'archive de la FMSH. C'est à la fois simple et compliqué, c'est simple parce que les archives de Haupt sont là, sauf que si vous cherchez dans l'entrée l'histoire du socialisme, archives des socialistes, pour arriver jusque-là, c'est compliqué. Donc tout système de référencement exhaustif, ou à prétendre aussi du monde francophone, de contemporanéiste, est utile de ce point de vue-là. Le problème, c'est qu'effectivement, un risque d'évolution extrêmement rapide. Que tu sais, c'est à mieux point, mais la FMSH, en plus, il y a des évolutions à venir dans leur traitement des archives. Ils ont des archives de Brodel, des archives de conseillers de chercheurs, ils vont mettre ça en ligne et le valoriser. Et tout ça. Voilà, toujours simple. Le numérique permet le foisonnement des initiatives, la multiplicité, le fractionnement, la dispersion pour aller vite, et en même temps, le problème de la réunification. Où se fait le réseau? Est-ce qu'il se fait simplement au niveau du recensement, ou est-ce qu'il se fait autour de thématiques? C'est la question qu'a posée Françoise. Est-ce que les portails thématiques, les grands objets socio-historiques ont encore leur pertinence pour regrouper, pour être des portails d'entrée ou pas, et ça renvoie à la question que vous nous aviez posée. On numérise pour qui? Est-ce qu'on numérise que pour les chercheurs, ou est-ce qu'on numérise pour éditorialiser et publier des connaissances en termes pédagogiques, en termes de formation générale pour des publics plus larges? Si on a l'idée qu'il y a plusieurs niveaux de public qui peuvent être des utilisateurs avec des degrés d'utilisation qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas contradictoires, mais qui ne sont pas confondus, il faut quand même garder l'idée de portail ou de ce qui deviendra les nouveaux types de publications. Autrement, on sait que on aura un phénomène de fractionnement, on le sait, à plusieurs vitesses, et que dans le domaine de l'histoire, où l'histoire en France est quand même à une dimension populaire forte, pour un public large, si on ne fait pas attention à cette question, on passe à côté, à mon avis, d'un enjeu qui est quand même important. Voilà. Donc, c'est des problèmes qui ne sont pas des problèmes d'informatique seulement, mais qui sont aussi des problèmes d'informatique, parce que développer un portail, ce n'est pas la même chose qu'utiliser une base de données. actuellement. Et je pense que c'est à la portée, de même que l'édition numérique, l'édition électronique devient quelque chose de beaucoup plus accessible et proche des chercheurs et proche des universités. Partout, on développe l'édition numérique. Il y a les systèmes français d'édition des revues numériques. Je pense que pour ce qui nous concerne, on a à se poser la question de la publication. Et la dernière chose sur laquelle vous m'avez posé une question sur pour qui, c'est et pourquoi, c'est comment les chercheurs, à terme, vont intégrer dans leurs publications scientifiques la publication de leurs sources en histoire contemporaine. C'est-à-dire la possibilité de faire les allers-retours entre la publication éditoriale de l'article ou de l'ouvrage, numérique ou pas, et l'ensemble des corpus qui sont les corpus qui sont leur référencement de la recherche. Dans le domaine de l'histoire contemporaine, l'explosion des sources, la dispersion, faisait qu'on mettait une note bibliographique de bas de page, une cote d'archives, et celui qui allait y voir, c'était un millième de lecteurs, quoi. Or, je pense que par rapport à d'autres domaines de la science, de la recherche, plus ça va, plus la vérification, la confrontation entre les sources, les hypothèses et l'édition, quelque chose qui fonctionne dans la société, dans la lecture, dans la réflexion. Il ne s'agit pas de tout mettre en ligne, mais ce que les universités américaines font, les grandes maisons d'édition font, publication d'un ouvrage, et à côté, sur le site de l'université, les corpus, ce qu'on appelait avant les annexes, ce qu'on appelle les annexes pour la thèse, sauf que c'est pour la thèse, et pour, c'est pas aussi, or c'est pas simple, ça suppose des méthodes de travail, des manières de constituer les corpus, et qui sont à mon avis, pour les contemporanéistes, quelque chose d'intéressant à imaginer, à envisager, voilà. Pardon.